Bonjour, samedi 26 avril 2025. Donc, il semblerait qu'il y a des problèmes techniques. Là, il semblerait qu'il n'y en a plus. Donc, je vais attendre qu'il arrive des gens. Il est de bonne heure, hein? Après, on n'est pas loin de 6 heures. Donc, c'est les funérailles du pape en ce moment. C'est ça. Avec Trump, c'est une vraie mascarade. Zelensky. Puis quoi, qui d'autre donc? C'est ça, là, les acteurs des dernières années. Donc, je vais attendre qu'il arrive des gens, il n'y a personne. C'est normal. Samedi très tôt. Bonjour, Volpi. Ah, je pense que juste vous. Avez-vous regardé les funérailles du pape? Pas moi, j'ai pas vu. J'ai vu ça dans les journaux, mais j'ai pas regardé. Ah oui. Bon, est-ce que c'est intéressant? Hein? Ben, moi, ce que je vais trouver intéressant, je pense, c'est le conclave. Non, bon, c'est le conclave. Il y a un cardinal de mon coin qui risque de devenir pape, ce qui serait très bien pour l'économie de ma région, de ma ville. Ça me ferait tellement plaisir. Mais bon, c'est pas des considérations comme ça qui devraient faire qu'un pape est élu ou pas, n'est-ce pas? Mais ça aiderait, ça serait bien. Donc, bon, après un pape de gauche d'Amérique du Sud, ça serait bien un pape plus traditionnaliste pour alterner, là, faire alterner. Bon. Pourquoi pas? Mais bon, il n'est pas obligé non plus d'être extrême, là, comme ce qui s'appelait l'Allemand, Ratzinger. C'est un peu trop, ça, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, on s'en fout un peu. Bon, 8 spectateurs, on s'en bat. Ben, moi, personnellement, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bon matin. Petit geek. L'oiseau moqueur dit qu'il y a souvent des pseudos différents. Je suis pas au courant, j'ai jamais remarqué. C'était quoi dans son dernier direct? Bonjour Valérie, qui disait ça. Je l'ai pas. Il l'a fait trop tard, j'étais couché. Donc, j'ai de la difficulté la fin de semaine. J'arrive pas à me lever plus tard. La semaine, je me lève vers 3 h du matin. 3 h, 3 h 30 du matin. Puis pourtant, je me couche vers 22 h, des fois 23 h. Mais à la fin de semaine, j'arrive pas à me lever plus tard. J'arrive pas. Puis bon, ben écoute, qu'est-ce que vous voulez? Mais je me suis retenu là, ce matin là, pour pas faire le direct trop tôt. Mais bon, c'est ça que j'ai vu que c'était les funérailles du pape. J'imagine que Vance est là. Puis bonjour, Madame Robert. Vance, puis l'autre là, Marc Rubio, est-ce qu'il est aux funérailles? Finalement, ils sont en train de comment je pourrais dire ça? Ils font que cet événement-là qui devrait être d'une certaine comment je pourrais dire ça? Solennité. Ils en font une sorte de spectacle. Ben partout ce qu'ils vont, hein, les Américains, ils sont vulgaires. Dans le sens que regardez, je pense c'est Vance qui s'y prend photo dans la chapelle Sixtine, qui s'y prend selfie. Ces gens-là ont aucune notion de rien. C'est vraiment incroyable. C'est spécial. C'est surprenant. Ils agissent en touristes, hein. Pourtant, ils se penchent chez eux partout, mais ils agissent en touristes partout. Mais quand même, là, je veux dire, à un moment donné, ils se font prendre en selfie dans la chapelle Sixtine. Bon, en tout cas, Sixtine. Ouais, la chapelle Sixtine, ça n'existe pas. Mais bon, il reste que c'est quand même curieux, c'est spécial. Vous avez vu là l'accord entre Poutine puis Zelensky? Ben l'accord, il est entre Poutine puis Trump, là, on s'entend. Mais bon, c'est n'importe quoi. Macron et Brigitte étaient de la partie. Ah oui. Ben à cette heure, on a le droit de. Il paraît qu'ils ont le droit de bénir ces couples-là LGBT machin. Donc c'est correct. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont pas pour les maudire. Bon. Hein? Ça ferait peut-être du bien, c'est pour ça que je vous dis, ben là, on a eu un pape un peu pendant quelques années, un peu. Ça fait quand même plusieurs années, ça va tellement vite. Roselyne, bon matin. Ben bonjour. Bon matin, c'est un anglicisme au fond. Ben, ça va tellement rapidement. Peut-être le cardinal Guinan, ah, je connais pas. Le seul cardinal que je connais, c'est celui qui vient de ma ville. C'est tout. Les autres, ça vous montre comment je suis à l'affût de ces choses-là, comment je trouve ça. Bon, c'est pas que c'est pas important, mais bon. Au niveau de mon expertise à moi, ça change pas grand-chose. Dans le sens qu'au niveau aussi de ce que je fais, ça change pas. C'est pas eux autres qui est. Bon. Il reste ces politiques aussi, donc je regarde un peu quand même. Mais ça influe pas autant que bon puis aussi par rapport au fait que je suis pas vraiment pratiquant, c'est une sorte de spectacle, je vois ça comme ça. Ben oui, c'est oui, en effet. D'ailleurs, c'est ça que je déplore. Peut-être que je serais plus proche de ces choses-là si c'était pas comme ça. Mais bon, il reste que c'est quand même des choses intéressantes. Mais il reste, je suis pas sûr. C'est comme ce qui se passe en ce moment au Canada. Je considère réellement que les médias nous vendent Pierre Poilievre pour. J'ai cette impression-là. Bonjour Estelle. J'ai cette impression-là. De toute façon, quand bien même ça serait carné, ouais. Ce qui m'inquiète juste, c'est les lois là, de qui a été question par rapport à la fiscalité, puis les gains en bourse, ça m'inquiète. Mais c'est peut-être juste des peurs. Mais bon, ouais. Il reste que moi, ça m'inquiète beaucoup, je veux dire. C'est sûr, c'est ça. Mais bon, on verra. Ils peuvent pas aller trop loin. Je veux dire, leurs propres amis sont. C'est comme Trump, hein? On l'a vu autour de lui, c'est beaucoup. Ça a une certaine importance. Hein? On parle éventuellement de l'archevêque de Marseille. Ah oui, genre, je le connais pas. Mais ça prend pas un cardinal. Faut être cardinal. Pour un archevêque peut être pape. Attends, là, je vous avoue que je peux peut-être pas assez connaissant, là, mais il reste que c'est une monarchie élective, la papauté. Je pense qu'il faut être prince de l'Église pour être éligible. Est-ce qu'un archevêque est comme un cardinal? Bonjour, Zo 357. Je vous avoue que là, je ne sais plus. Là, il y a tellement eu de changements aussi dans l'histoire qu'on vient qu'on est tout mêlé. Mais il me semble bien qu'il faut être cardinal. Si je me semble. Est-ce qu'un archevêque, je veux dire, c'est pas le même titre, tout à fait, c'est pas bonjour Isabelle, bonjour Louis. Bon, il me semble que ça prend un cardinal. Ben, c'est ça. On en a un ici. Voyons, c'est quoi donc notre. Si c'est facile comme ça, du coup, on va pouvoir être pape. Ben, ce serait peut-être pas de mauvaise chose. Je veux dire, des fois, des gens que simples font un meilleur travail. Je veux dire, c'est un peu comme, des fois, j'ai l'impression qu'on prendrait au hasard quelqu'un, on ferait tirer au sort pour les certains postes, puis on aurait peut-être des gens plus, qui auraient moins de conflits d'intérêts, qui seraient peut-être plus, désintéressés. Donc, peut-être qu'il faut choisir comme ça notre premier ministre, on prend un quidam. Dans la rue, peut-être pour un pape aussi. Il reste. Là, on pourrait dire, ah, ben, c'est la providence qui décide. Hein? Ouais. Ben, il reste d'un autre côté, on peut m'attirer un mauvais numéro, ça arrive. Hein? Donc, bon. Mais c'est un petit. Ça revient quand même à ça d'une certaine façon. C'est des concours de circonstances, en tout cas à mes yeux, là. Puis, mais d'un autre côté, il n'y a pas de hasard, semblait-il. On verra. Mais j'ai hâte que. L'affaire, c'est que ça occupe toujours. Ben, toi, de toute façon, j'ai plus la télévision, donc même ça occuperait les médias un bout de temps. Puis, ça va servir de diversion pour toutes sortes de choses. Donc, ça va être de regarder dans l'autre direction. Ah, moi, c'est ça que je fais. Dès qu'il y a quelque chose comme ça, on nous force à regarder dans une certaine direction, il se passe quelque chose dans la direction contraire. Souvent, là, c'est par rapport aux politiques ou à la finance. Puis, ça devient un temps intéressant. Puis, comme les dernières semaines ont été extrêmement intéressantes. Extrêmement intéressantes. J'ai réussi à remonter mon rendement en haut de 40%. Donc, ça, je suis plus de bonne humeur. Ça m'enlève de la pression. Hein? Je me sens mieux. Je suis plus de, comme je vous dis, je suis plus de bonne humeur. Puis, ben, c'est ça. C'est incroyable, pareil, mais c'est ça, pareil. J'étais stressé. Hein? Bonjour, le tirage au sort était une idée étendue par Étienne Chouard durant la période des Gilets jaunes. Moi, les Gilets jaunes, j'ai vu ça comme une diversion jusqu'à un certain point, quelque chose, qu'est-ce qu'il disait Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. Hein? Puis moi, je me demande jusqu'à un certain point, est-ce qu'il n'y a pas eu les agences américaines qui ont été nées là-dedans? Puis aussi par rapport à amener des idées qui vont être amenées d'une façon des fois un peu associer des mouvements comme ça, des idées qui après vont être présentées dans les médias comme absurdes. Est-ce que tu as encore de la neige chez toi? Ben oui. Eh oui, puis beaucoup même. Il y en a encore pas mal. Je veux voir le combien il fait là. Voyons. Maudite patate. Il fait un degré. Mais oui, il y a encore plein de neige ici. C'est très long ici avant que ça fonde, que ça soit tout fondu. Même des fois, il y a certains coins de la forêt, même l'été, il y a encore des places qu'il y a de la neige. Au début de l'été, là, ça arrive de tomber à des endroits où il y a un pergélisol, là, comme on appelle. C'est un coin ici, la flore est tout plus petite, très délicate. C'est un coin austère, hein, la nature. Bonjour, Noé. Donc, oui, il y a encore de la neige. J'avoue que ça me décourage un peu, là. Je suis fatigué de ça. Je suis tanné. Mon bureau, là, dans le fond, là, le bureau qui me sert de petit entrepôt, c'est là que j'ai la plus belle vue habituellement. C'est des petits arbres de la cour arrière. Puis là, c'est encore de la neige. Je suis fatigué de ça, je suis tanné. Bon. Je peux pas. C'est encore gelé, il y a le sol ici, je peux rien faire dehors. De toute façon. Avez-vous vu? Ben là, c'est difficile de pas en parler. Il y en a dernièrement, j'entendais des gens près de moi qui avaient demandé conseil par rapport à ce qu'il allait falloir surveiller dernièrement. Puis ils parlaient encore, oh, faut se concentrer sur l'or. Mais moi, c'est pas ça que j'ai vu. C'est pas ça que j'ai vu dans les dernières semaines. Puis moi, je me suis concentré sur les chaînes de les blockchains de minage, de crypto-monnaie. Puis c'était là qu'il fallait regarder. Puis c'est peut-être pour ça aussi que j'ai remonté mon rendement comme ça. Puis il reste que aussi l'affaire, ce qui est arrivé pendant Pâques, pendant le carême, puis pendant Pâques, il y avait clairement quelque chose de lié à la finance. Il y a vraiment eu des choses. Ils ont vraiment encore joué, je veux dire, Trump pis sa clique, là. Puis je montrais sur un agneau que j'identifiais à. Voyons comment est-ce qu'il s'appelle. Jérôme Powell, que j'identifie à Jérôme. Mais finalement, je me dis, l'agneau, cette année, ça va peut-être avoir été le pape. C'est peut-être lui, cette année. Depuis quelques décennies, à chaque année, il y a un agneau à la fin du carême, au niveau politique financier qui est sacrifié. On dit, je parle, ça donne comme ça, mais. Je veux dire, à mes yeux, il n'y a pas de hasard, puis il y a un certain langage dans l'événementiel qui est lié à des forces peut-être au-delà de ce que nous, on perçoit comme. C'est comme si ça devient un livre à décoder. Même l'événementiel, C'est quoi donc que j'ai vu ce matin? J'ai vu quelque chose ce matin, puis ça. Ah oui, il passait, c'est qu'un jeune qui parle de finances, puis il parlait comment Domino's a fini par battre des chaînes comme Pizza Hut. Mais c'est drôle parce qu'au niveau de ma lecture à moi, juste le nom Domino's, ça ressemble à Dominus, puisqu'il veut dire le Seigneur. Donc, juste ça, c'est drôle, hein? Il y a certains aspects chez moi qui pourraient sembler irrationnels, mais qui sont liés à mon intuition, qui fait que j'aurais probablement plus été porté à investir dans Domino's, juste à cause du nom. Un certain langage kabbalistique, oui, d'une certaine façon, mais qu'on le veuille ou pas, il y a une sorte de mécanique. Il se crée des structures. C'est comme, j'en ai souvent parlé. Prenez le givre sur une fenêtre, il va avoir une structure qui va se créer. C'est lié à des lois. Oui, jusqu'à un certain point, oui. Mais là, on parle même pas un langage kabbalistique au sens des kabbalistes, mais un langage kabbalistique au sens de l'intelligence structurelle naturelle. Puis les lois. Des lois qui, bon, sans tomber dans ces choses-là. À mon sens, tout est lié au symbolisme pour eux, ouais. Mais pas seulement, il y a un autre symbolisme au-delà d'eux, qui est un langage carrément naturel, semble-t-il. Mais d'un autre côté, dès qu'on parle là, les lois naturelles, puis là, ça va être associé au paganisme, il y a quelque chose, quand on parle eux, là, en guillemets, eux, là, ils ont quelque chose qui va contre les lois naturelles, ils ont quelque chose d'abominable. Puis, à mes yeux, c'est ce qui est abominable, c'est ce qui va contre l'harmonie, contre la nature. Comme, je sais pas, moi, des chimères monstrueuses, abominables. Je suis persuadé qu'il s'en fait des expériences, c'en est ça, jusqu'à un certain point, on pourrait dire de la magie noire, mais jusqu'à un certain point, c'est quoi de la magie? C'est servir des connaissances pour les appliquer. Au concret pour dans le but un but. Puis là où ça devient noir, dans le sens de bon, c'est quand que c'est abominable. Donc, pourquoi pas? Je veux dire, c'est juste du langage, là, on est juste dans des formes encore. Mais pour appréhender ce qui est au-delà de ça, on n'a pas le choix. C'est juste un outil. Le langage, les formes, c'est un support. C'est comme quand je disais, l'argent, c'est comme une amulette, c'est un support pour l'énergie. Il y avait dit, oh, c'est un peu con. Ah oui, c'est pas toi qui serais pas un peu con. Moi, c'est ça que je commence à penser, puis on dirait que ça me donne raison. Hein? Fait qu'à un moment donné, moi, je fais pas la patience. Hein? Fait que c'est ça, les choses, comme je l'ai dit des années de temps, il y a un truc qui s'opère de lui-même. C'est bien correct de même. Puis ça va être naturel, ça va être lié à des lois naturelles aussi. Mais d'un autre côté, bon, c'est quoi la mécanique de la providence? Puis là, ça va même, on pourrait parler d'une intelligence qui va au-delà des lois même nature, qui est capable d'intervenir. Au fond, c'est quoi un miracle? C'est quelque chose de au-dessus des lois naturelles, une intervention. Intervention. Mais c'est le cas aussi pour ce qu'on pourrait dire le contraire. Des prodiges malaisants. Ça aussi, ça existe. Donc, qu'on le veuille ou pas, qu'on le veuille ou pas. C'est quoi, je regardais dernièrement, hier, bon, une certaine dame, moi je veux pas, je suis rendu délicat, hein, j'ose pas. Mais de quoi elle parlait donc? Il reste que cette espèce de, je vois de plus en plus une espèce de tendance à se plaindre de YouTube par rapport aux paramètres, pas les paramètres, mais comment je pourrais dire ça, vous savez ce qui fait qu'on y joue ou pas, mais c'est parce que c'est quand c'est YouTube est un gagne-pain. C'est certain que c'est une corporation YouTube. En plus, c'est la siège social est en Californie. C'est certain qu'au niveau de la gestion, quand quelqu'un commence à avoir une certaine popularité puis qu'il faut le payer beaucoup, que peut-être que YouTube, oui, il va avoir les robots vont être programmés de façon à faire en sorte qu'il y ait un petit peu moins de visibilité. Mais je veux dire, moi je comprends pas comment quelqu'un qui a pu être, qui a pu plaider en tant qu'avocate à Paris, puisse avoir ça comme projet de retraite YouTube. Puis que c'est son revenu. C'est vraiment le printemps, j'ai un des champs de corneilles autour. Ça crie. Mais bon. Là, va falloir m'amener des choses pour interagir un peu, sinon ça va être ennuyant. Mais bon, moi je pense peut-être vous savez de qui je parle. Puis bon, cette espèce de plaignage, de façon de se plaindre toujours, elle commence toujours en se plaignant de YouTube. YouTube, c'est des pas bons. On commencera pas à considérer qu'il faut qu'ils soient gentils puis de bonne foi. Leur but, c'est de faire de l'argent, pas en donner. Ou bien ils vont dire, ou bien on pourrait considérer, oui, il peut y avoir un partenariat, mais rendu à un certain point, c'est parce que si c'est trop avantageux pour le YouTuber, ça peut être désavantageux pour eux. Jusqu'à un certain point, par rapport, bon, quand il commence à y avoir, il y a une masse critique à un moment donné de popularité. Ils ont peut-être intérêt à ce qu'on franchisse pas, puis c'est peut-être les plus petits YouTubers qui paye. Moi, je suis même pas un petit youtubeur. Je suis je même pas un petit. Je suis microscopique. Mais attends, j'ai un grain de poussière. Mais il reste que heureux. C'est pour ça que ça, ceux qui veulent vraiment en faire une source de revenus principale, j'ai de la difficulté à comprendre. Premièrement, si vous avez réellement un contenu de qualité, c'est impossible. Pour avoir vraiment, pour que YouTube soit réellement rentable, il faut avoir un contenu extrêmement large, donc de très, très, très mauvaise qualité. Je parle pas au niveau du contenant, vous pouvez avoir de quelque chose de léché puis d'une certaine qualité. Mais les choses qui vont être rentables, c'est des conneries, genre tester des machines à café, faire des pranks vulgaires. Bon, c'est ça qui va être rentable. Ou traiter des sujets. Mal les traiter pour un public très large. Je dois quitter. Bon, on dirait que bon, ben, bonne journée à vous. Donc, je trouve ça toujours curieux des gens qui essaient justement de produire une certaine qualité de s'offusquer. Que YouTube, il y a des paramètres, il y a pas des paramètres, mais on dirait qu'il y a des choses pour faire en sorte qu'il y a moins de visibilité. Mais oui, mais c'est certain que c'est pas votre contenu qui va être mis de l'avant. C'est mauvais signe quand votre contenu est très mis de l'avant. C'est très mauvais signe. Parce que, comme je vous dis, ce qui va être rentable, c'est de la merde. Donc, c'est ça que YouTube va mettre de l'avant. Hein? C'est pour ça que je comprends pas comment est-ce qu'on peut avoir fait son droit. À être un auteur édité, puis vouloir faire de son principal revenu, c'est que c'est YouTube. Il y a quelque chose qui va pas, ça va pas. C'est inquiétant. Puis je commence aussi à voir certains liens entre la santé financière et la santé physique. C'est peut-être lié aussi à la mentalité. Donc, qu'est-ce que l'ambition? Est-ce une vertu ou un vice? Ça dépend. C'est neutre à la base, le terme. Être ambitieux, c'est quoi? Ça peut être une volonté, pas nécessairement un désir. On peut avoir l'ambition de se sortir de la misère. C'est pas mauvais. C'est quoi un ambitieux? Il y a une différence entre être ambitieux et ambitionner. Il y en a qui ambitionnent. Moi, YouTube, ça à mes yeux, c'est un outil qui engendre un dynamisme au niveau en communiquant, ben, comment je pourrais dire ça? Ça active des choses à l'interne qui font que, bon, ben, ça aide les idées à bouger. Il y a des choses que j'aurais jamais vues si j'en avais pas parlé publiquement. Puis, on dirait que dès qu'une idée est exprimée, on dirait que ça crée un dynamisme, il en revient d'autres. Donc, on est toujours payé jusqu'à un certain point, mais on n'a pas tous la même. Parce que, ben franchement, si je voulais que YouTube, que ça marche à tout prix, puis c'est pas les sujets que j'aborderais. J'essaierai. Quoique, je pense que je ça peut, oui, être intéressant, mais c'est un peu, c'est trop niché, là. C'est trop restreint. Mais l'ambition, est-ce que c'est une vertu ou un vice? Ça peut être un ou l'autre, ça peut être les deux. Ça peut être un ou l'autre. Est-ce que ça peut être les deux en même temps? Peut-être aussi. Ça dépend. Les individus, je veux dire, ce qui fait que quelque chose est bon ou mauvais, c'est. La passion que Jésus a connue était hors norme. Comment a-t-il pu surmonter cette épreuve? Certainement l'esprit. Ben, vous en parlez comme si on parlait de quelqu'un, de quelqu'un. Comment a-t-il pu surmonter de. Hein? On n'a pas la même notion de. Dans le sens de. C'est censé être Dieu, là. Là, vous êtes là, comment a-t-il pu surmonter? Si Dieu s'incarne en un humain, on n'a même pas à se poser la question comment a-t-il pu surmonter? C'est étrange. Je trouve ça étrange comme question. Au niveau de. Ben, de ce qui était dans ce qui nous m'a été transmis étant plus jeune par rapport à la tradition, au niveau de la branche qui est celle dans laquelle je suis né, c'est censé être Dieu qui s'incarne en homme. Donc la question, comment a-t-il pu surmonter cette épreuve, se pose même pas. Même anciennement, les tableaux qui représentaient le Christ enfant, étaient des tableaux qui montraient une sorte de bébé avec des expressions d'adulte parce qu'il était censé être déjà, même bébé, déjà être habité par un esprit, le même niveau, comment je pourrais dire ça, de maturité que de 0 à 33 ans. Donc, souvent c'était étrange, ça donnait des images étranges, des représentations étranges d'un bébé avec des expressions faciales d'adulte. Mais c'est lié, ben, c'est pour ça que je trouve étrange votre question. C'est normalement au niveau du christianisme, la question se pose même pas. C'est comme s'il l'avait vécu pour lui, ce qui marche pas, là. Ça fonctionne pas. C'est pas comme. Bon, en tout cas, ça dépend, là, la vision que vous avez de ça. Puis de toute façon, ça dépend aussi comment on l'appréhende, dans quel sous quel angle. On considère d'emblée comment, là, au niveau axiomatique, là, parce qu'il y a un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas vérifier. Donc, on tombe dans le spéculatif, là. Au niveau du corps physique, ben encore là. Encore là, c'est censé avoir une vivacité hors norme. Mais je veux dire, on parle de quelqu'un qui rendait qui rendait la vue aux aveugles, qui a ressuscité des cadavres. Encore là, la question, elle se pose comment? Je comprends pas vos questionnements. Imaginez quelqu'un qui est capable, il a de la force vitale pour ramener un cadavre à la vie. Imaginez, bon, après, on se. Comment est-ce qu'il a pu, ben là? Si quelqu'un est capable de donner de la vitalité à de ressusciter un cadavre, comment est-ce qu'on peut même se poser la question de comment. Hein? Les religions anciennes étaient plus tournées vers la mère divine et les. Bon, ça, c'est ce qu'on nous a dit, qu'on nous a transmis. Vers les monothéistes plus récents, vers le Père divin. C'est pas de déesse, c'est Dieu primordial. Ça dépend, parce que quand on parle, prenez un Dieu, il est au-delà des genres. On en parle au masculin par défaut. Mais s'il a créé les deux genres, il est au-delà des genres. C'est quoi ces questions-là? Il y a quelque chose de paradoxal qui est lié à notre vision d'humain. Ah, dingue. Ouais, mais ça, c'est des affaires de mythologie nordique, c'est des affaires de. Ça n'a même plus rapport. C'est même pas des religions, ça, tant que moi. C'est avant, là, les. Oh, on tombe dans quelque chose que je connais moins bien, là. Bon, est en avance. 3 minutes, OK. Qu'est-ce que c'est long à ajuster ça? Ben oui, je veux dire, comme Odin. Odin, là, c'est, on parle pas d'un dieu créateur universel. Même Zeus, ça marche pas, là. Parce qu'avant Zeus, il y a pas Cronos, pis. C'est pas des systèmes au sens de comme on voit dans les monothéismes, là. C'est vraiment de la des cosmogonies mythologiques. Dans le sens, non, mais ce ne sont pas des figures féminines. Oui. Donc c'est, oui, mais c'est même pas des affaires. On parle pas de la même chose, c'est ça, je vous dis, là. C'est des affaires de païens, ça. On s'en fout, je veux dire, il y a aussi des figures féminines dans les. Mais je parle avant ça. Hey, bonjour, Mélanie. Mais bon, je veux dire, on parle même pas des mêmes choses. Moi, mes yeux, c'est même pas intéressant, ces choses-là. Tout ce qui est rapport à, je veux dire, j'en ai rien à faire, moi, des systèmes de croyances des barbares, des Germains. Ça m'a jamais intéressé. Je connais un petit peu parce que j'ai une culture générale, mais c'est tout. À mes yeux, ça n'a rien à voir comme forme de spi. Je vois même pas ça comme de la spiritualité, c'est des systèmes de croyances. L'écoulement temporel est variable et relatif selon la subjectivité de l'individu ou selon une variation même du temps. Mais à mes yeux, il y a une différence entre le temps perçu puis le temps réel. Là, c'est ça, l'écoulement temporel variable relatif selon la subjectivité. Là, on parle de temps perdu, le temps perçu. Donc, le temps perdu. Il y a une différence entre le temps en lui-même puis le temps en tant que perception. C'est pas la même chose, là. Le temps existe en dehors de la perception, en lui-même. Bon, je veux dire, avant qu'il y ait des gens pour le percevoir, il y avait un temps pareil parce qu'il y avait des lois. Donc, il y avait cause à effet, puis. Mais c'est pas la même chose, là, le temps perçu, puis le temps en lui-même. Prenez comme chez Kant, là, la chose en soi. Parce que là, si on tombe dans un temps, le temps lié aux idées qu'on a du temps, c'est pas pareil. Quel temps lui-même. Donc, bon. Puis même là, je suis pris pour parler de choses encore que je connais mal. Dans le sens, j'ai pas envie de parler de. Mais il reste que, moi, mes yeux, c'est très différent, là, le temps aperçu. Puis là, prenez un enfant de 2 ans. Pour lui, une semaine, c'est très long. C'est un gros pourcentage de ce qu'il a déjà vécu au niveau de la durée de sa vie. Mais pour un homme de 90 ans, c'est peu de temps, là. C'est normal, mais ça, c'est le temps perçu. Mais c'est pas le temps lui-même, le temps perçu. Donc, comme, bon, ben, c'est ça. Hein? Donc, c'est quoi, donc, déjà? L'écoulement temporel est variable et relatif selon la subjectivité de l'individu ou selon une variation même du temps. Bon, ben, vous voyez, les deux coexistent un dans l'autre. C'est parce qu'il y a une affaire. On va fusionner le relatif et l'absolu. Puis considérer que, ben, c'est parce que c'est ça. Il y a le temps en lui-même et le temps perçu. Mais un est dans l'autre. C'est juste qu'il y en a un qui est à l'interface de la perception. Mais bon, j'ai pas envie de faire de. C'est tellement pas important à mes yeux, d'une certaine façon. Je veux dire, le temps. T'sais, on est dans des questions un peu philosophiques, existentielles, puis. Si vous vous cassez la tête, le temps va être plus long. Si vous vous cassez ça. C'est pour ça que ça fait longtemps que je pense plus à des choses comme ça. Le temps, on s'en fout. C'est comme si j'étais déjà mort. Mais d'un autre côté, c'est comme si j'étais de là depuis toujours, puis pour toujours. Parce que jusqu'à un certain point, je m'en fous. C'est magique, hein? Dans le sens que, pas dans le sens de la magie, mais dans le sens que il y a quelque chose de qui règle tous les problèmes dans la connerie. D'être un vrai con. Qu'est-ce qui est. Peut-être qu'un con, c'est vraiment celui qui ose tout, même au point de prendre l'éternité d'assaut. Est-ce que c'est vraiment important des choses comme ça? Prenez les gens justement de certains milieux que là, ils nous sortent des affaires puis ils récitent par cœur des choses qu'ils ont appris au cégep ou des questions relatives à ce qu'on s'en fout, moi personnellement. Après, quand je vais dire, ben moi, des affaires intellectuelles de même, ça m'intéresse pas, ils sont insultés. Parce que je veux même pas prendre le temps de réfléchir à ça. J'ai pas le temps de réfléchir autant. En même temps, j'ai tout mon temps, mais pas pour ça. Mais ça dépend là, de quoi on parle. Mais comme je vous dis, c'est ça. Entre l'eau du robinet et en bouteille ou de source, c'est important qu'elle soit bonne encore plus que l'alimentation, vu que nous sommes composés d'une majorité d'eau. Est-ce qu'on est réellement composé d'eau? Même l'eau, c'est des molécules, c'est dans le sens que je pense que la perception qu'on a va influer, entre autres, sur l'effet de ce qu'on ingère. Je voyais encore des articles ce matin dans le journal qui parlaient le pouvoir de l'alimentation sur l'affaire, le cancer. Il y a personne qui parle le pouvoir de la façon de percevoir. Moi, le cancer, je m'en fous. J'ai l'impression que si je m'en foutais pas, je serais peut-être déjà malade. Bon, l'eau du robinet en bouteille ou de source, c'est important qu'elle soit bonne plus que l'alimentation. Je sais pas. Je suis pas certain. Peut-être. Prenez l'eau en bouteille. Il y a eu des choses dernièrement. Il y a eu des scandales. Je sais plus si c'est Evian ou l'eau était pas de la qualité qu'on nous disait. Au niveau aussi, comme je suis dans un coin, que l'eau est excellente. Mais au niveau de la tuyauterie de la ville, je ne suis pas certain de l'aqueduc, puis j'ai pas confiance. Donc, je fais quoi? Ben, je bois juste du café. Je bois pas d'eau. Jamais. Parce que le fait que j'ai un percolateur, puis qu'il y a un filtre, puis que même le café, jusqu'à un certain point, il y a certaines particules qui vont être retenues par le mac de café. C'est une façon pour moi de filtrer l'eau. Puis j'ai l'impression que le fait que je bois juste du café, c'est presque plus sain que si je buvais de l'eau. Ça a l'air con, puis ça l'est peut-être. Mais j'ai jamais eu la prétention de pas être autre chose. Mais il reste que j'en bois pas moi d'eau. Ben, j'en bois dans le café, j'en bois dans le thé, dans ma soupe. Mais à part ça, de l'eau, je bois jamais ça. Oh, j'en bois dans du Perrier, de l'eau Perrier au citron. Des fois, je prends ça. Je les achète à la pharmacie. Je les achète à coup de beaucoup. Donc, mais je bois pas ça de l'eau. C'est vrai que ça agit comme un filtre. C'est pas si con. Ben, le fait que je bois pas de l'eau comme ça, moi, je pense qu'il y a des métaux lourds, possiblement, qui restent prisonniers du mac de café, qui restent prisonniers des feuilles de thé. Parce que c'est fibreux. Puis, peut-être que, justement, d'une certaine façon, c'est plus sain de faire ça. Je le sais pas. Puis, il y a des choses que je sais pas sur lesquelles je me questionne pas. C'est comme on me disait souvent que le café, c'est pas bon de prendre du souffle, faut boire de l'eau, puis c'est important l'eau, mais c'est de l'eau. C'est quand même de l'eau. En tout cas, j'ai fait la même chose, j'ai eu du café. Ben oui, je bois absolument rien d'autre depuis l'âge de quoi, de 11-12 ans. Du thé, du café. Je bois rien d'autre. Je bois un verre d'eau parfois avec le café. Ah oui. Ben, il reste, mais comme je vous dis, je bois de l'eau Perrier au citron. J'avais commencé à... Ce qui arrive, c'est que j'ai ma tante de Toronto. Elle, c'est pas du gin qu'elle met dans son Perrier. Je sais plus ce qu'elle met. Moi, le gin, je mets ça avec de l'eau tonique. Mais elle avait acheté du Perrier au citron, mais une marque moins chère. Générique. Puis quand elle est partie, elle en a laissé. Puis un soir, j'ai eu Je me sentais déshydraté, j'avais soif, puis je me suis mis à boire ça. Puis j'ai trouvé que c'était pas mauvais. C'était pas mauvais. C'est pas mauvais, entre autres, avec le gin, puis bon, beaucoup d'arômes dans les fumées et beaucoup de plantes se fument, mais seul le tabac à la cote. Ouais, ben j'ai connu une dame qui fumait du thé. Elle buvait du vinaigre, puis elle fumait du thé. Mais bon, le tabac. C'est drôle, hein? J'ai cessé de fumer. Mais je regarde encore les boutiques de tabac en ligne. Je regarde encore le tabac à pipe en feuille, genre irlandais, là, vieilli en baril. Je regarde encore les cigares. Je regarde encore les humidors, je regarde encore mais je fume plus. Mais je regarde encore, j'ai encore envie de fumer, je veux toujours l'avoir. J'ai l'impression que je me débarrasserai jamais. Mais des fois, ça arrive que je vais dans des endroits publics, il y a des gens à l'extérieur qui fument, puis je m'attarde un peu. Hein? Ma grand-mère disait, je ne bois pas d'alcool, je ne bois que du vin. Ben, techniquement, le vin, c'est probablement considérer les alcools, c'est comme les eaux de vie. Bon, mais ça aussi, c'est un monde. J'aime beaucoup les alcools forts, mais c'est parce que c'est pour vraiment les arômes qu'ils ont, puis c'est pas pour l'effet. J'ai jamais aimé l'effet de l'alcool. Mais j'aime les alcools. C'est comme, comment je pourrais dire ça? Certains arômes de tabac, c'était pas l'effet de la nicotine autant que l'odeur, l'arôme que ça a. Puis les souvenirs que j'ai par rapport à ça, il y a des choses. Moi, je trouve que les cigares puis le tabac à pipe, je trouve ça sent tellement bon. Puis c'est pareil le café. Dans mes premiers souvenirs d'enfance, vraiment marquants par rapport aux odeurs, mon père avait fait des sandwichs puis les avait mis dans une espèce de sac vanout qui sentait le café. Puis ça avait parfumé les sandwichs d'une espèce de parfum de café. Puis ça m'a. Quand j'étais enfant, mon yogourt préféré, c'était au café. J'aime le goût du café. Que vous voulez que je vous dise. Je fais vieillir de l'eau de vie de pomme. Ah oui. Oui, il y a même une sorte de bouteille qui est fait exprès pour ça, qui a un nom de femme, me semble, qui est pour les eaux de vie de pomme puis les eaux de vie de pêche, entre autres de poire. Je me rappelle plus le nom. C'est une sorte de bouteille qui a pas de fond plat, qui est ronde puis qui ça prend un support de bois. Puis je sais plus pourquoi, pour des raisons chimiques, c'est ce qu'il y a de mieux pour faire vieillir ces eaux de vie-là. Ou même quand je pense qu'on les embouteille puis que la fermentation, il y en a encore, là, que c'est encore actif. Il y a un nom pour ça, je me souviens plus du nom. Mais encore là, c'est tout un monde. J'ai distillé de la baie de Chisandra, ça fait un bout de temps, ça va faire près d'un an. Le distillat est encore. Il n'est pas altéré. C'est quand même curieux. Il y aurait moyen de faire un alcool avec cette baie-là, qui est très poivrée, par contre. Là, ça serait peut-être pas un alcool très agréable. Mais c'est pareil, il y a un Québécois qui s'était mis à faire de l'eau de vie avec des cerises de terre. Puis il lui était venu l'idée parce qu'il y en avait des qui étaient plus bonnes, puis qui avaient comme jeté dans une espèce de tas de compost, puis il voyait que les mouches, que c'était très sucré. Puis il lui est venu l'idée d'en faire de l'eau de vie. Puis je suis certain que c'est excellent. J'aime bien les cidres, mais il reste que, bon, c'est très très rare que j'achète de l'alcool parce que je trouve que c'est cher. Puis, c'est un luxe que, bon, j'ai toujours du gin, mais c'est pour des raisons pour les vertus. Mais il reste que ça fait une éternité, j'ai pas acheté des whisky, des choses comme ça. Je me demande si je vais en racheter un jour. Je suis rendu vraiment comme dernièrement. Qu'est-ce que je regarde? Il y a des choses qu'il faudrait que je rachète, que j'aurais besoin, puis j'étire. J'étire, hein? Fait que je me sais pas si tôt que je vais. Mais c'est intéressant. Ici, les sociétés des alcools, il y a des choses qu'il n'y a pas. Ça me choque. Il y a pas de madère, il y a pas de cherry. C'est difficile à trouver. Au Québec, on est très mal desservi parce que on n'a pas de négociants en alcool réellement. Ils n'ont pas le droit. On n'a pas réellement de personne qui a un permis de négociant en alcool. Fait qu'on n'a pas de spécialité. On n'a pas de gens spécialisés dans tel type de produits, tel autre type de produits. On n'a pas ça. Puis même, c'est pareil au niveau, à cause des lois canadiennes, au niveau des tabacs. Je voyais dernièrement le tabac canadien qui est vendu à l'étranger. Ils ne suivent pas du tout les lois qui s'imposent ici. Il n'y a aucune photo, il n'y a aucun message dessus. C'est juste écrit canadienne, puis ils vendent ça. Ça, tout d'un coup, ce qu'ils imposent ici, puis qu'ils nous sortent des raisons morales, puis éthiques, là, tout d'un coup, pour le commerce extérieur, ça compte plus. Il y a une hypocrisie là-dedans qui m'écœure. C'est ce qui a fait l'Empire britannique, entre autres, le tabac. Donc, arrêtez de. Je veux dire, il y a quelque chose là-dedans qui est d'une hypocrisie qui est laid, c'est laid. Je veux dire, si les gens qui ont un intérêt pour ça, puis qu'ils ont les moyens, puis qu'ils sont consentants, pourquoi ils n'auraient pas accès à des choses de. Mais non. En France, le bouilleur de cru passe encore dans les villages pour faire la gnôle avec les fruits des particuliers. Ah oui? Avec le gros réservoir, et ça doit plus être tiré par des chevaux, là. Mais, c'est des choses que on n'avait même pas, ça, ici. Les gens, ils distillaient des fois de l'alcool de contrebande, ce qu'ils appelaient du whisky blanc, mais c'est pas vraiment du whisky. Mais dans le fond, ça revient à ce qu'on a vu en Amérique, des alcools, des fois frelatés, carrément dangereux, qui rendaient aveugles, que des particuliers fabriquaient. Il y avait quelque chose au Québec qui était une façon la plus rudimentaire de faire de l'alcool, qui est de prendre une boule de pain, parce que vu qu'il y a une des levures, même mettre certains levures, puis le mettre dans une chaudière d'eau, puis laisser fermenter ça comme ça. Mais il n'y a aucun contrôle, là. On peut pas contrôler la qualité. On peut pas. Il existe encore des alambics chinois qu'il était possible de fabriquer des alcools très, très rapidement. Mais ici, on n'a pas l'expertise pour ça. Mais c'est des alambics qui, encore, dans certains coins de la Chine, qui sont des alambics à serpentin interne, faits en céramique, pas en métal. Puis c'est en faisant cuire des haricots rouges ou du riz dedans. Mais il reste que eux autres, ils ont aucun compte. Je veux dire, l'État intervient pas là-dedans, il écœure pas le monde. J'ai bien de la difficulté avec. Des fois, ça se demandait c'est où la dictature, c'est bientôt fini. Il faut un acquis, une autorisation qui est encore détenue que par les vieilles personnes. Ma mère est décédée il y a un an et son acquis s'est terminé avec elle. Vous voyez, ils servent, puis c'est toujours comme ça. Ben, c'est comme dernièrement, il y a une compagnie, Télécommunications, j'avais pas le droit d'avoir de facture papier parce que j'étais né après 1960. Je leur ai fait une crise, puis ils vont m'envoyer des factures papier. Parce que j'ai dit non, non, là c'est de l'âgisme, c'est pas acceptable, puis ça marche pas, là. Je m'en fous. Là, je dis, ouais, mais éventuellement, ça n'existera plus. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que. Tant que ça existe, je vais avoir accès, puis je vais le demander, puis si ça fait pas, je prends une autre compagnie. Et, à un moment donné, là. Hein? Les premières gouttes de gnôle qui sortent de l'alambic sont achetées car elles rendent aveugles, moi. Mais il y en a qui gardaient ça pour la faire plus d'argent. Puis bon. Bonjour, Khadija. Bonjour à vous. Mais c'est comme je vous dis là, par rapport à, on se sert du fait que il y a des gens qui décèdent justement, qu'il y a un comment je pourrais, un roulement au niveau des générations pour imposer des choses. Comme au Québec, par exemple, c'était pas obligatoire d'être assuré au niveau de l'assurance automobile. Mais tranquillement, on a vanté ça, on a vendu ça. Il y avait de plus en plus de gens qui s'assuraient. Puis dès qu'il y a eu une majorité de gens, c'est devenu obligatoire. Je suis contre ces façons-là. Il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans. J'ai de la difficulté avec ces choses-là. Cette façon de faire-là. Non, on s'arrange pour. Ils appellent ça de l'ingénierie sociale, ce qui est un anglicisme encore. Mais c'est sûr, ça vient tout d'Oxford, ces idées-là. Bonjour, Nini. Nini. Puis, il reste que. Non, j'ai de la difficulté avec ça. Ce qui m'écœure, c'est que dans une démocratie, il serait pas supposé avoir ce type de technique de gouvernance-là. Je parle au sens où on nous l'avance. Donc, il y a une certaine hypocrisie. Les lois. Bonjour Laurence. Les lois au Québec par rapport à la société des alcools, ça a été fait dans le temps de la prohibition pour faire de l'argent, entre autres avec les Américains. L'État a voulu tout d'un coup devenir le trafiquant d'alcool. Dans le temps qu'Al Capone faisait fortune aux États-Unis dans le trafic d'alcool, ici au Québec, c'est le gouvernement qui est devenu le trafiquant d'alcool. Ils ont appelé ça la société des alcools, la commission des liqueurs. Aujourd'hui, ça s'appelle, je sais plus, ça arrête pas de changer de nom. C'est comme ce qu'on appelait la régie du logement. Aujourd'hui, ça a changé de nom. Ils appellent ça le tribunal administratif. À chaque fois qu'ils changent les termes comme ça, ça coûte une fortune pour toutes. Puis moi, c'est comme à chaque fois que je vais à la banque, que je fais une opération au guichet, puis que j'ai mon qu'on me demande le reçu. Là, je pèse pour avoir un reçu, j'appuie, je dis je veux un reçu, puis là, ça m'écrit, êtes-vous certain de vouloir un reçu papier pour la planète, gna, gna, gna? Oui, si j'ai pesé que je veux un reçu papier, ça veut dire que je veux un reçu papier. Je m'en fous que dans vos têtes de l'or, éventuellement, ça n'existera plus, puis qu'il faut m'imposer ça. Je m'en fous. Je veux l'avoir. Si je pèse que je veux l'avoir, c'est que je veux l'avoir. Le guichet n'a pas à me faire la leçon. C'est pareil pour ce que je vous dis, la compagnie qui voulait pas m'envoyer de facture papier. Disait, ouais, mais c'est un beau geste pour la planète. C'est pas un beau geste pour la planète, c'est parce que ça réduit des frais pour au niveau du conseil d'administration. On a décidé de se servir du prétexte de la planète pour réduire des coûts. C'est pareil, comme les pharmacies, là, au Québec, comme Jean Coutu, qui à un moment donné, c'est dans les premières qui ont décidé qu'il y avait plus de sacs, qu'ils donnaient plus de sacs. Ben, donner des sacs papier, je m'en fous, moi, je vois pas, mais je suis fatigué de traîner partout des sacs de toile. Puis là, ben, c'est pour la planète. C'est pour la planète. C'est des prétextes. C'est au niveau du conseil d'administration. Ils ont dit, bon, on va sauver tant par année en donnant plus ce service-là. Maintenant, on peut se le permettre parce que les concurrents vont faire pareil. Mais il y a d'autres pharmacies où il y a des sacs papier. Je sais pour l'avoir vu, mais ça dépend il faut que ce soit des médicaments qu'on achète. Moi, je prends pas de médicaments. Heureusement que c'est à côté parce que des fois, sur le chemin, je me rends compte que j'ai oublié mon sac. Donc, je retourne puis je le ramène. Mais il risque. Moi, je trouve que ça fait partie d'un mauvais service. C'est un mauvais service. Pour ça, d'un prétexte. C'est des prétextes pour réduire les frais, les coûts, puis augmenter la marge de profit, au fond. Puis, c'est le côté, moi, c'est ça, c'est le côté hypocrite. Je trouve ça malhonnête qu'on nous le présente d'une certaine façon pour nous forcer, nous rentrer de force. C'est là où je suis pas d'accord. Mais pour le reste, si au moins c'était honnête, dire, ben, en même temps, ben, nous, ça réduit des frais. Là, d'accord. Mais c'est comme un reçu papier. L'autre jour, j'ai acheté un timbre de je sais pas combien. J'ai demandé un reçu. Il est imprimé de toute façon. Dès qu'on fait une transaction, la machine, elle imprime. Mais éventuellement, ils veulent que ça n'existe plus. C'est là où je considère que c'est dangereux. C'est dangereux. Je fais jamais une transaction sans vouloir un reçu. À moins que ça soit purement numérique, là. Il faudrait que j'imprime à chaque fois. J'en ai pas l'intention. Je vois pas l'intérêt. Genre, j'ai une imprimante, mais je la branche pas. Au prix que ça coûte, les cartouches d'encre, puis mais éventuellement, ils seraient capables de faire des imprimantes sans encre, sans cartouches d'encre. Ça fonctionne par une lumière laser qui brûle une surface du papier. Mais c'est une technologie qui existe depuis très longtemps, c'est des imprimantes sans encre, sans poudre, sans rien. Mais ça n'a jamais été commercialisé vraiment. Mais il reste que ça existe depuis très longtemps. Puis même au niveau de la télégraphie sans fil, ça a existé. Puis ça, là, c'était pas des lasers, là, ça fonctionnait autrement. Mais il reste que c'est des choses qui ont jamais été, je veux dire, ils sont arrangés pour que les brevets se perdent. Puis, mais c'est incroyable comment toutes les manipulations, bon, c'est surtout ça là, qui me dérange jusqu'à un certain point. Mais à part ça, est-ce qu'il y a d'autres sujets? Parce que sinon, je vais aller déjeuner. D'habitude, je fais 1 heure et demie. Mais malgré que là, c'est sûr, j'ai pas rien de spécial là, ce matin. Il faut que je déjeune aussi quand même. Comme je vous dis, je me suis levé à 3 heures du matin. C'est l'habitude. L'habitude. Les habitudes ont la vie dure. Pourtant, je me suis couché tard. Ah. Il y a une épicerie dans mon coin. Il n'y a plus de petits sacs plastiques pour nos fruits et légumes. Ah oui, ils en vendent en filet comme remplacement. C'est le maire de cette ville qui a passé cet avis. Mais je comprends pas. Les filets eux-mêmes sont en plastique, non? À moins que ce soit de la fibre végétale, là. Mais pas sur les mères, on dirait qu'ils veulent laisser leur marque des fois, puis ils savent pas comment. Ils votent des lois, ben des fois c'est carrément ridicule. C'est des lois, c'est comme le maire ici. Je vous avoue, je suis pas vraiment là, par rapport le casquier municipal, mais on a encore les petits sacs plastiques ici. De toute façon, moi, ces sacs-là, je m'en sers. En fibre, je les réutilise. Mais je vois pas. Prenez comme des oignons. Si vous mettez des oignons là-dedans, vous allez avoir ça salit, non? C'est pas très propre, c'est comme un filet. Il y a nécessairement des petites pelures d'oignon qui, en plus, s'il y a de la statique, ça colle partout, ça, en tout cas, mais, ben, franchement, bon, ben, s'ils veulent qu'on se rende, de toute façon, du plastique, oui, jusqu'à un certain point, je peux comprendre qu'ils veulent chercher à éliminer. Mais, ce que je comprends, puis oui, c'est pas fou. C'est pas fou, au fond, dans le fond. Parce que, par exemple, moi, ce qui me choque, comme je parlais, c'est au moins, ben, donnez-moi des sacs de papier. Si vous voulez pas, comme la pharmacie dont je parlais, vous voulez pas au moins fournissez des sacs de papier. Hein? Je suis en train de désherber mes oignons. Ah oui, ici, y a rien qui pousse. Mais, c'est là, ils vont droit, mais c'est parce que c'est des arbres, ça coupe des arbres. Hey, c'est une des industries de ma région, la pulpe de bois. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux détruire des emplois? T'es contre ça? T'es contre l'industrie? Tu veux nuire à envahir de l'iseron? Ah, moi, c'est une des plantes, ça, que j'aime, puis que j'essaie de. En avance de 3 minutes. Au moins, elle se maintient dans son avance. C'est une des plantes, ça, que j'essaie de reproduire puis que j'aime beaucoup. Ça ressemble à une sorte de lierre. C'est drôle, hein? Ici, c'est le contraire. Moi, j'essaie d'être envahi par les liserons dans mon jardin. J'essaie de les reproduire puis j'arrive pas. Mais bon, chacun a ses problèmes. Ce qui est une ordure pour un est un trésor pour l'autre. Mais Ah, c'est drôle, c'est une fleur que j'aime. En plus, ça fait des petites fleurs, c'est joli. Ben, c'est vrai, j'essaie de les reproduire, puis j'y arrive pas. J'ai essayé d'en implanter même dans mon jardin, puis peut-être le sol, le pH, je sais pas. Bon, en tout cas. Bon, de quoi je parlais? Oui, les sacs papier. Ben ici, justement, il y a une industrie du papier. Depuis quand c'est un bon geste pour la. C'est quoi, là? Tant qu'à faire pour sauver la planète, éliminer le monde. Tant, hein, mais on va se mettre en file là, avec, devant des cabines à suicide pour sauver. C'est un geste pour la planète. C'est presque rendu ça, là. Les jardins potagers vont bientôt être taxés, comme les poulaillers. Ça devrait être. Ça, là, c'est des raisons de révolte. C'est comme dès qu'il y a eu des gens qui se sont mis à, ils ont changé des lois en France pour pouvoir spéculer sur des farines de base. Déjà, là, tout ce qui allait suivre était déjà en germe. Puis c'était là tout de suite qu'il fallait se révolter. Mais il reste que, non, ça, moi, si des inspecteurs municipaux venaient, si j'ai un potager, puis des inspecteurs, non, même le chat, là, il y a personne qui va me forcer à payer une taxe pour le chat. Je refuse de payer. Voyons, depuis quand qu'on taxe un. Peut-être je suis hors sujet, j'écoute en ce moment Daniel Kem, je découvre ce conférencier, qu'en pensez-vous? J'en ai parlé souvent, ce que j'en pense. Qu'est-ce que, pas grand-chose. Moi, je l'écoute pas. Je l'écoute pas. Lui, il avait son affaire de club des chefs, là, le groupe des chefs. Puis l'affaire, le dôme, là. Puis là, il a dit beaucoup de conneries tant qu'à moi, là. Il interprétait le fait que Ève sort de la côte d'Adam comme quoi qu'il y a longtemps l'humanité se divisait, se reproduisait en se divisant. Puis des choses comme ça. Puis là, son affaire de dôme, ça ressemble à du spiritisme. Puis bon, ben vous verrez, là, ça peut être utile un temps, mais à un moment donné, vous allez peut-être le laisser là. Je conserve le thé et la chili. Oh, c'est des. Franchement, je connais pas tous les noms des plantes que aussi, là, il y en a que j'essaie de conserver, là. Ici, dans ma ville, à partir de cette année, ils réglementent les poulaillers. Mais ça, je trouve ça étrange. Je comprends pas, là, comment, depuis quand dans une ville, c'est zoné, qu'on a le droit d'avoir des poulaillers. Moi, ici, il n'y a pas le droit de poulailler, puis c'est quelque chose que je comprends parce que c'est pas zoné agricole. J'ai pas envie d'entendre chanter le coq le matin, moi, là. Si jamais j'avais un voisin qui avait un poulailler puis qu'un coq changeait, ce serait pas long que j'irais voir, je dirais là, c'est pas zone agricole, puis je porterais plainte à la municipalité. Je peux comprendre jusqu'à un certain point, là. Mais bon. Ben ouais, mais c'est ça, comme je vous dis, Daniel Kemp, ben vous allez voir, là, comme quand il raconte qu'il est allé dans le bois avec son groupe des chefs, là, puis que là, il provoquait Satan, là. Ce monsieur-là, quoi, est mort à 36 ans, 35 ans, parce qu'il est allé passer au nucléaire, vous savez, le test au nucléaire, puis il n'a pas su que ils ont injecté 10 fois la dose, hein, de. Puis ça a fini en cancer généralisé des os. Moi, c'est ce qu'on m'a rapporté, là. En tout cas, c'était une drôle de vie. Une drôle de vie. Un monsieur très étrange qui dessinait ses habits. Il y a certains de ses habits, il allait chez le tailleur. C'est lui qui les avait dessinés, la coupe. Ça va un petit peu loin, hein. Bon, vous voyez, mon débardeur, il date des années 40. Je l'ai payé 3-4 piastres au comptoir familial. C'est fait au Canada, ça. Meilleure qualité que ce que je pourrais acheter n'importe où. Ça doit être à quelqu'un qui est mort depuis longtemps. Hein? Ben, moi, du monde qui dessine leurs habits, puis j'ai de la misère à comprendre, je vous avoue, là. Pour moi, c'est des valeurs, là, du monde de la ville, ça. Comme Daniel Kem, c'est vraiment un gars de la ville. C'est du monde de la ville, comme Bernard de Montréal, puis c'est complètement une autre planète pour moi. Pour moi, c'est j'essaie d'être gentil, là. Je me retiens. Je me retiens. Parce que, ben franchement, là, moi je considère, on met ça sur des piédestals, là, la conscience. Ces gens-là, c'était des instructeurs de l'humanité. Ben, Je dois être autodidacte jusqu'au niveau de la conscience parce que moi, Daniel Kemp, il me donne envie de. En tout cas, c'était une zone grise pour nous, les cas qui sont interdits, OK. Ouais, je peux comprendre là, parce qu'il y a tout de quoi de plus fatigant que je viens au Québec en juin. Je peux t'amener une brouette de liseron. Non, ben, ils pousseront pas ici. Ben aussi, si vous allez vous rendre compte que moi, j'étais à 12 heures de route de l'aéroport. Je suis pas je suis dans une région éloignée. Hein. Je suis au début, je trouve intéressant l'idée de ne pas souffrir. OK. Ben oui, mais ça fait partie de. S'il n'y avait pas de souffrance, il n'y aurait pas de conscience. Si, c'est la souffrance, moi, qui m'a fait. Je veux dire, ça, c'est dans ce qu'on a de plus précieux, la souffrance, ce qui est intéressant, c'est pas souffrir pour rien. De la même façon que faut pas dépenser pour rien ou faut pas perdre du temps pour rien ou faut que ça soit pour quelque chose. Ben, bon, l'idée, la souffrance, ce monde-là, coudonc, c'est tout des quoi, là. On dirait une gang de. On dirait du monde, ils veulent être dans le confort de la ouate. Puis j'ai de la misère. Tu sais, je peux comprendre, pas souffrir pour rien. Faut que ça soit logique, la souffrance. Ça sert à quelque chose. C'est de l'information. Entre autres. Entre autres, c'est de l'information. Comme quand vous avez mal quelque part, votre système nerveux vous transmet de l'information comme quoi il y a un problème. C'est pareil dans tout. Bon. J'habite en France, je découvre. Hein, parce que moi, ben franchement, Daniel Kemp. C'est très nord-américain, ces affaires-là, hein. C'est là que je vois que les Québécois, c'est des nord-américains parce qu'on est dans les mêmes délires que d'autres, que des anglo-saxons. Mais bon. J'ai mangé le coq. Ah oui? C'est quoi, donc? Il existe une sorte de coq châtré. Comment ils appellent ça, donc? Ça n'a pas le même goût, semble-t-il. Mais ça coûte pas pareil qu'une poule, un coq. De toute façon, ce qu'on a ici, c'est du poulet. C'est-à-dire des petits tapines, si c'était des poussins il y a quelques semaines avant d'être. Parce qu'une vieille poule, ça n'a pas le même goût non plus. C'est comme les oies rôties. Comment ça se fait qu'on n'a plus d'oies rôties? Il y a des choses qui se perdent. Hein? Ils ont industrialisé trop. La souffrance, c'est les tuyaux de la conscience qui sont bouchés. Ben, ça indique qu'il y a quelque chose. Ça indique qu'il y a un blocage. C'est comme je vous dis, c'est de l'information. Ça fait mal pour les débouchés, moi. Ouais. Mais il y a toujours des débouchés. Un chapon, c'est ça. Ouais. Châtrer un coq, il faut le faire parce que c'est à l'intérieur. Faut rentrer par. En tout cas, il y a une technique, là, mais. Pauvre animal. Ah, oh, c'est terrible. Ça doit être douloureux. Ça doit pas être. Je sais pas, je connais pas la technique. On n'a pas ça ici. Ici, les coqs, c'est rare que les gens les mangeaient, le coq, souvent, ils le gardaient pour la reproduction, mais même une fois que, mais il reste que, au bas, les coqs, je veux dire, les coqs châtrés, on n'avait pas ça non plus. Mais je sais que ça existe parce que j'ai une formation au niveau l'hôtellerie, puis tout ce qui était culinaire, puis même tout ce qui était hygiène au niveau. Les denrées, ces choses-là. Donc, il a fallu que j'apprenne tout ça. Puis, c'est très intéressant. Oh, quand ils sont des poussins, OK. Ouais, parce que. Hey, bonne journée à vous, Louis. Coq au vin, 2 heures de cuisson. Ouais, j'avais connu un Italien qui faisait ça, le coq au vin. Puis, par après, quand je l'ai vu, en hôtellerie, là, j'ai vu que c'était une autre technique. Ça change, hein, c'est régional, le coq au vin. Ça change d'une région à l'autre. Comment connaître l'information de la souffrance? Désolé, vite passer du coq à l'autre. Comment ça, comment connaître l'information de la souffrance? Je veux dire, si vous avez mal à une dent, vous avez pas besoin avez-vous besoin d'un interprète qui décode ça, là? Pour comprendre qu'il y a un problème, c'est pareil. Il y a une différence entre savoir quelque chose et le réaliser, mais des fois, on veut réaliser ce qu'on sait, au sens où on perd notre temps là, à essayer de décoder l'information. Tout est là. Il n'y a rien à décoder. Des fois, il faut prendre, il n'y a rien à comprendre. C'est juste, il faut prendre. Si au niveau, par exemple, de vos relations interpersonnelles, vous vivez des souffrances au niveau du rejet, puis l'information est là, qu'il y a un blocage qui est lié au vécu, entre autres. Soit c'est en train de se faire, soit c'est une programmation qui est réveillée par l'événementiel, puis qui indique qu'il y a eu un blocage dans le passé. Ça fait juste raviver. Mais c'en est ça de l'information. Il y a des gens, au niveau de, par exemple, la façon d'agir, puis je devine des choses de toute leur enfance. Ça paraît. C'est comme, chaque fois que j'ai eu à interagir avec, ça devenait plus intime avec une femme qui avait eu des abus, ça se voit. Je veux dire, c'est des fois la personne elle pense pas qu'on, mais c'est tout de suite c'est visible. C'est pareil, un paquet d'autres choses. Les gens qui ont fait beaucoup beaucoup rire d'eux à l'école, mais qui, comment je pourrais dire ça, qui ont subi de l'intimidation, mais qui ont jamais réussi à s'affirmer là-dedans. Au sens, ils sont pas passés par-dessus. Ça paraît, ils sont bloqués. Même rendus à 45 ans, sont encore pareils. C'est pas long, hein? Puis des fois, c'est juste en testant. C'est pour ça que je suis un Picasso. Je veux savoir à quoi j'ai affaire. Donc, des fois, je vois pas tout de suite. Donc, je teste. C'est comme des fois, il faut peser à des places, voir plus la personne à un moment donné, oh, c'est là que ça fait mal. OK. Ça prend à la fois une capacité à se désensibiliser tout en ayant de l'empathie. C'est très, très subtil. Mais il reste votre souffrance. Parce que comment connaître l'information de la souffrance? C'est l'information. La souffrance, c'est l'information. Si vous marchez sur un tesson de verre puis que vous vous blessez le pied, vous allez avoir une souffrance qui vous dit d'enlever votre pied de là. Vous n'avez pas à connaître l'information ou à l'interpréter. D'ailleurs, c'est censé être automatique de vous enlever le pied. Si vous vous laissez le pied là, vous demandez pourquoi vous avez mal. Là, il y a un blocage. Là, on le voit qu'il y a le blocage, puis il est lié à c'est psychologique, c'est pas physique. Mais je parle, là, c'est une image que j'emploie. Mais il reste que, c'est pour ça, là, je vous dis, c'est à prendre littéralement quand je vous dis la souffrance, c'est de l'information. Il n'y a rien à interpréter, là, c'est littéral, ce que je vous dis là. Comme par exemple, je sais pas moi, même juste avoir de la peine. Quelqu'un vous fait une remarque, ça vous fait de la peine. Il y a un blocage. Il y a un blocage. C'est normal, quelqu'un vous fait une remarque injuste d'être en colère, automatiquement avoir une colère. Mais si vous avez de la peine, là, ça indique quelque chose qui est. C'est normal d'être en colère devant certaines remarques injustes ou infondées, mais d'avoir de la peine, à moins que vous ayez de la peine pour l'autre. Ça m'est arrivé, ça. Dans le sens, comme par exemple, être confronté à du monde et à dire, c'est un mode de vie qui fait que tu te détériores, puis la personne va embarquer dans un clivage de protection psychologique qui tient pas compte du physique, puis par esprit de contradiction, je vois au fil des mois, le physique de la personne se détériore encore plus, la personne prend encore moins soin d'elle pour se protéger psychologiquement d'une remarque par rapport au physique. Mais ça, c'est pas normal. C'est de l'autodestruction. Là, ça s'en est, là, de pas être capable de servir de l'information. Il y a un problème, là. Je veux dire, même un chat, même une mouche fait sa toilette. Donc, les gens, par exemple, j'ai connu ça, des gens qui ils ont pas d'hygiène pour se protéger psychologiquement et socialement. Ils se protègent socialement pour se protéger parce que c'est toujours lié à l'enfance. Toujours. Moi, dans ce temps-là, où je vais avoir une certaine peine parce que la personne s'autodétruit. Mais je parle de la peine, mais pas pour moi. Hein? J'ai pas de peine pour moi. Je peux avoir de la colère, oui, mais de la peine, non. Ce qui me fait de la peine, c'est jamais moi. Bonjour, Christophe. Donc, qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? C'est votre Charles. Pourquoi que. En tout cas, j'ai vu quelque chose dernièrement par rapport à un Charles. Un Charles. Ça me revient pas. Mais c'est comme je vous dis, au niveau de. Comme la souffrance, c'est une réaction. Donc, c'est de l'information, c'est un indicateur de quelque chose. Parce que c'est des causes à effet. Ah ben, merci à vous. Je veux dire, au fond, là, c'est des choses très, très simples. Tout est simple, mais on a été conditionné à trop réfléchir. On intellectualise trop. Il y a des choses, parmi les choses les plus brillantes qui m'ont jamais été dites, c'était des gens quasiment illettrés qui me les ont sorties. Puis dans les choses les plus connes que j'ai jamais entendues, des fois, c'était des grands universitaires qui me sortaient des choses que j'en revenais pas de la sottise de ces gens-là. Puis pourtant, ça a l'air intelligent. Ça a l'air intelligent. C'est dangereux. Il y a un piège là. Pourtant, il y a des choses, ça a l'air con. C'est des gens qui ont l'air fous qui me les sortaient, mais c'était tellement brillant. Il y a mon beau-père qui est décédé maintenant. À un moment donné, il parlait avec ma mère qui est décédée aussi maintenant. Puis elle lui disait, vas-tu voter? Puis il disait non. Puis elle dit, c'est ton devoir de citoyen. Puis lui, il avait répondu, mon devoir envers moi-même, c'est de voir à mes affaires, puis ça, je m'en fous, mes affaires, ces niaiseries-là, j'y vais pas voter. Puis j'avais trouvé ça tellement intelligent, ce qu'il lui avait répondu. Le principal devoir, c'est envers soi-même, puis lui, il avait pas de temps à perdre avec les élections à cette année-là, puis ça l'intéressait pas, puis c'est correct. Tu sais, l'affaire, c'est ton devoir de soi, un instant, là. Pour une fois, je trouvais que c'est ma mère qui avait pas, qui avait tort, là, puis j'avais trouvé ça tellement intelligent. Sa réponse. En tout cas. Après, une vie alimentée, ça devient une névrose de la pensée. Une vie aliénante. Moi. Ben, c'est parce que, ben, bonjour, Jean. C'est parce qu'on pense pour rien. Dans le sens, quand on pense pour rien, ça s'appelle réfléchir. On réfléchit l'information. C'est-à-dire, il y a un système de, il y a un jeu. Il y a un processus mental de projection par rapport à des concepts. Là, on embarque dans l'univers parallèle de la réflexion. Puis ça, c'est pas, on n'est plus dans la perception. Dans le sens que l'information est là, il faut l'apprendre. Il n'y a rien à comprendre des fois, mais on se coupe de la réalité, on se coupe du réel en réfléchissant à l'information. Au lieu de l'apprendre simplement, puis c'est là où on va chercher des signes, puis j'ai vu des gens des fois, c'est comme qu'est-ce qu'on m'a demandé dernièrement par rapport au fait que je faisais mes directs le samedi par rapport à, par exemple, Saturne, ça avait un lien, puis non, c'est que. La semaine, je suis occupé, puis c'est ça. Ça a donné mieux comme ça. C'était plus logique pour moi de les faire le samedi matin. Je suis en train d'observer toutes les pensées. Quel bordel, moi. Ben, la pensée, c'est pas fait pour être pensée. Ou c'est pas fait pour être réfléchi, dans le sens que les pires erreurs, prenez souvent, vous allez avoir, c'est quelque chose, j'ai répété souvent au fil des années, vous avez votre première idée, c'est la bonne, mais vous vous mettez à y réfléchir, puis à vous casser la tête, puis là, vous vous désinformez sans vous en rendre compte, puis finalement, vous allez prendre la mauvaise décision parce que vous y avez trop réfléchi. Mais par après coup, une fois que vous vous rendez compte que c'était une erreur, que vous avez pris la mauvaise décision, vous vous rendez compte que vous le saviez dès le départ, c'était quoi qui était la bonne chose à faire, mais vous vous êtes désinformé en y réfléchissant. Puis c'est là qu'on fait des erreurs. Donc, c'est là où l'intellect est dangereux. Puis, on se désinforme. Puis pas juste par rapport à soi-même, je parle, on se désinforme entre nous. Il n'y a rien de plus dangereux que les intellectuels puis les idéologues. C'est à cause d'eux toutes les guerres, tous les problèmes sociaux, toutes les pires conneries. C'est à cause d'idéologues puis d'intellectuels puis d'universitaires. Ces gens-là sont c'est les pires nuisances qui existent. C'est les philosophes puis les, c'est toute la merde. C'est toute de la connerie. Ce qui est important, là, souvent, c'est des gens très, très simples, très, très ordinaires qui le savent. Puis ils se cassent pas la tête, puis ils font ce qu'ils ont à faire. Mais tout d'un coup, il arrive un grand intellectuel, il arrive un idéologue, puis là, lui, il fout le bordel. Je veux dire, les sociétés se sont pas construites sur des idéologies, mais sur la nécessité. C'est la nécessité qui doit être maîtresse des choses. On agit d'une certaine façon pour avoir un résultat donné parce qu'on a un besoin tel. On sait pas. Dès qu'on se met à agir pour des idées ou des idéologies, là, on tombe dans le délire. Le monde parallèle de l'intellect et du délire. Regardez le wokisme aux États-Unis. C'en est ça du délire. Ça peut pas faire autrement que d'aboutir à des absurdités pas à de la folie. C'est certain, on en vient à faire des choses totalement contre nature, totalement, c'est n'importe quoi. Les idéologies, qu'elles soient de gauche ou de droite, sont toutes aussi folles, c'est toujours de la folie. Ça peut pas aboutir à rien d'intelligent. C'est impossible au sens de la logique. Ça peut être intelligent au sens de l'intellect, mais ça va être contre nature au sens de la logique, puis le simple bon sens. C'est là où moi, je trouve les pires folies, c'est venu au monde dans des universités. C'est vraiment des folies. Puis même où des gens qui sont en réaction contre les milieux universitaires, mais qui sont eux-mêmes dans de l'idéologie. Prenez des idéologies comme, je sais pas moi, comme il y a eu des idéologies d'extrême droite qui étaient anti-universitaires puis anti-culture, mais c'était tout aussi fou. Donc, c'est pour ça que je vous dis, souvent, le réel, il est là devant nous, il est très, très simple. Il est très, très clair, on le voit dès le départ. Mais on se fait pas confiance. On nous a conditionnés à penser que nous ne sommes pas intelligents par des gens qui se pensent intelligents puis qui se croient intelligents. Mais c'est eux après qui nous mêlent puis qui nous désinforment puis qui nuisent. C'est des nuisances. Prenez, là, il y a Mélenchon qui est allé faire des discours aux États-Unis dans des universités, dans le sud en Californie, puis dans des places où c'est certain qu'il va être bien accueilli. Puis... Mais ce bonhomme-là, moi, je vous dis, le simple bon sens de c'est qui cet homme-là? Comment ça qu'il y a pas de femme? Comment ça? Il sort d'où? C'est quoi ça? Moi, je pense que c'est un fou. Mais c'est pareil à droite. Regardez l'autre, là, le Zemo. C'est un autre fou. C'est des fous. Que ce soit à gauche, à droite, de centre, en haut, en bas, en arrière, en avant, les progressistes, les rétrogrades, c'est toute de la folie. Le simple bon sens, là, un politicien comme tous, c'est pire que ça encore. Parce qu'un politicien, c'est quelqu'un qui va exercer le pouvoir. Mais ces gens-là, je pense qu'ils l'exerceront pas. Ils sont pas là pour ça nécessairement. Ils sont là pour, pour une pièce de théâtre, ça prend un décor, ça prend des accessoires, ça prend. Les autres, c'est juste des fouteurs de merde. Ils fournissent le matériau qui va servir à ceux qui vont exercer le pouvoir au fond. Parce que c'est jamais les grands idéologues qui finissent par exercer. Non, c'est ceux qui vont être choisis par des banquiers puis d'aller. Il est de gauche à sa manière, moi. Mais c'est la gauche. En tout cas, de toute façon, moi, mes yeux, tout est délirant. De tout vraiment, là. Mais ouais. Ouais, ça me fatigue, les blablas intellectuels, idéologiques, vanité, moi, vanité. Ben, c'est que tout est tellement plus simple. J'ai tellement souvent entendu des choses intelligentes puis brillantes par des gens simples qui se cassaient pas la tête. Souvent des gens qui se foutaient de la politique, ils regardent ça presque comme un divertissement. Puis, l'affaire, c'est peut-être d'avoir connu des gens qui étaient très âgés quand j'étais encore très jeune, puis d'avoir une bonne mémoire. Parce que c'est des gens aujourd'hui, ils auraient des fois 120 ans, là. Mais il reste que des choses qui m'ont frappé beaucoup quand j'étais enfant, qui ont été dites par des personnes très âgées, qui étaient des illettrés des fois, mais qui c'était tellement brillant. C'est la seule génération que j'ai entendu des choses du genre, faut pas croire tout ce qu'il y a à la télévision. Faut pas croire tout ce qu'il y a dans les journaux. Puis tu vas en parler entre eux autres, ou en parlant des plus jeunes qu'eux. Parce que même pas la, c'est presque la génération avant mes grands-parents, puis ma grand-mère a maintenant près de 100 ans. Mais c'était un petit peu avant elle. Comme je m'en rappelle une qui m'avait marqué pas mal, mais même là, c'est pas d'un plus vieux parce que j'étais rendu ado, là. Mais elle était née en 1912. Puis il est arrivé de sortir des choses. J'étais surpris. Mais j'avais connu du monde plus vieux encore. Mais cette génération-là, elle est définitivement morte. Carrément. Mais il reste que là, on est en plein, vraiment, on est de plein pied dans de la folie, dans le sens que c'est une folie qui va jusque dans l'individuel. On est rendu même dans de la folie privée. La folie avant, c'était collectif. L'intelligence, c'est collectif, la conscience, c'est individuel, mais on a perdu de la conscience même au niveau individuel, dans le sens que on est dans de la dictature, ça s'est rendu même dans notre tête individuellement, puis on s'en rend même pas compte. On est rendu à un niveau de sophistication par rapport au contrôle de la police. Plus besoin de police de la pensée, vous êtes votre propre policier. Les gens se fichent eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ils sont leur propre police de la pensée. Ils vont même avoir des pensées du genre, ah, oh, je devrais pas penser ça. Ils leur viennent penser, puis, ah, oh, faut pas que je pense ça, c'est pas correct. Puis après, on nous montre les gens, par exemple, comme du 19e siècle ou du début du 20e siècle, comme des gens intriqués qui étaient dans une espèce de. C'est le contraire. C'est maintenant que ça se passe, ça. C'est nous qui sommes. En tout cas, moi, je ne supporte plus les discours politiques. Je les regarde plus à la télé. Ben, vous savez, moi, j'avais fait couper la télévision en 2005. Je l'ai re-eu plus tard parce que ma mère était une personne qui est née dans les années 50. Donc, pour elle, c'était important la télévision. Puis maintenant qu'elle est décédée, j'ai de nouveau plus la télé. J'ai jamais aimé la télé. J'ai aimé la télé, oui, mais dans les années 90, début 90, quand j'étais enfant. Puis que j'aimais certaines choses. Ah oui, vous dînez avec votre grand-mère 95 ans. Mais on est rendu à un point où 95 ans, c'est déjà jeune. Dans le sens que, aux yeux de ce qui est à mes yeux, ce qui a été perdu, la vraie mentalité qui a été perdue, c'est déjà jeune. Oui, parce que né dans les années, la fin des années 20. Donc, les années folles d'après la Première Guerre sont passées par là. Puis déjà là, il y a déjà une altération, à mes yeux. Parce qu'à mes yeux, c'est une période. Déjà là, il y a eu une sorte de contamination par des idéologies dans les années 20. Prenez après qu'il y a eu la révolution d'octobre en Russie, puis c'était déjà passé. Puis il y avait déjà eu le commencement de. En tout cas, un paquet de choses que je considère comme justement des idéologies folles. Que c'est de la folie, puis que justement, ça a été financé entre autres par les Anglais. La révolution qu'il y a eu en Russie au niveau qui a fait que finalement les Romanov, c'est l'Angleterre qui a financé ça. Ça a été pensé, c'est lié justement à ce qui est arrivé après la révolution industrielle, mais qui était lié justement pour préparer le terrain pour la conquête par les Anglo-Saxons de tout, puis la prise de contrôle de tout. Elle maintient son avance de 3 minutes. La majorité des discours politiques tournent en rond. C'est le but. C'est le but. On est dans un système de, comment je pourrais dire ça? C'est de drainer l'énergie. Puis c'est ça que l'intellect fait. L'intellect, par la réflexion inutile ou stérile, va drainer de la conscience. De la même façon que le collectif va servir à drainer l'individualité. C'est systémique, mais c'est stratégique, ça a été réfléchi, ça a été pensé. 1 heure et demie. Donc, ben moi, je vais quitter. Je vais vous souhaiter une bonne journée à tous. Donc, c'est plutôt l'économie qui dirige la société, non les idées. Mais non, mais qu'est-ce qui dirige l'économie? Qu'est-ce qui influence l'économie? C'est quoi l'économie? Quand je demande aux gens une définition, c'est quoi l'économie? Et souvent, ils vont me répondre des choses, oh, ben, c'est quand, blablabla. Non, l'économie, si c'était défini au début comme une science, c'est la science de la rareté, la gestion par rapport à la rareté. L'économie, c'est ce qui fait que ce qui est plus rare va être plus cher que ce qui l'est moins. C'est ça, les marchés. Mais il reste que ce qui ne, c'est pas l'économie qui dirige la société, c'est la finance. Puis, au niveau des idéologies, les idéologies vont être financées. Comprenez-vous? En tout cas, la course vers moins. Mais c'est tout lié. Mais ça vient des Anglo-Saxons, entre autres. Prenez ce qui est arrivé à la Révolution française. Il a fallu d'abord endetter la France pour que ce soit possible. Qu'après, il y a eu Necker, puis. Mais pour ça, il a fallu qu'il y ait de la spéculation sur certaines denrées, qu'il y avait des lois qui avaient été faites pour que ça arrive pas. Étrangement, la monarchie française tombe après avoir fait des prêts considérables aux Américains pour les aider dans leur révolution puis leur guerre d'indépendance. Puis étrangement, vous avez des gens qui se sont battus pour les Américains, comme Lafayette, qui après vont agir comme des traîtres avec la monarchie. Comprenez-vous que je dis pas que la monarchie c'est un système mieux ou que je prends pas parti, c'est pas ça que je vous dis. Mais je vous dis dans les faits, les idéologies arrivent, c'est lié à la, ça va être lié à la finance. Mais ça devient un peu comme la poule et l'œuf, là. Mais il reste que c'est toujours, il y a toujours, c'est toujours lié à des buts puis des résultats recherchés. Puis ce que je vous dis, c'est que ceux qui ont pris le contrôle, puis ça, c'est depuis un, même, on pourrait dire, depuis Élisabeth Tudor, ceux qui ont pris le contrôle réellement. Parce qu'elle, elle avait des serviteurs très brillants, très intelligents, justement, qui avaient compris qu'on pouvait instrumentaliser tout, même la pensée. Bon week-end à tous, le monde, et merci. Continuez vos lives, ben merci à vous. Puis ben bonne journée à tous. Merci. Ben de rien, vraiment pas de quoi. Au revoir.